Bon, je parle. Au début, je parle. Le lycée, il est bloqué. Bloqué. Bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué.